Rendu à Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, et nous entreprenons l'étude de deux chapitres sur la mort de Jésus. Donc, dans les semaines qui ont passé, on a vu comment les raisons pourquoi on voulait la mort de Jésus. Maintenant, on va voir la mort de Jésus comme telle. On va le voir devant Hérode, devant Pilate, on va le voir sur la croix. On va voir on le voit au jardin de Gethsémani, où est-ce qu'on va suer du sang. On va voir toutes les étapes en s'en allant, comment cette mort est arrivée. Mais une des grandes choses qui a troublé l'humanité depuis cette mort-là, c'est pas le fait que Jésus est mort, mais comment il est mort. Je vais vous lire un passage. « Car ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé, » c'est Paul qui parle, « c'est proclamer la bonne nouvelle. Et cela sans recourir aux arguments de la sagesse humaine, afin de ne pas vider de son sens la mort du Christ sur la croix. En effet, la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. Donc, pour ceux qui se perdent, pour ceux qui ne sont pas des croyants, la mort du Christ à la croix est une folie. N'est-il pas écrit « Je détruirai la sagesse des sages et je réduirai au néant l'intelligence des intelligents » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui paraît annoncer une folie. Oui, tandis que d'un côté les Juifs réclament les signes miraculeux et que de l'autre les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale devant la croix. C'est un scandale pour eux autres, la mort de Christ à la croix. Et les Grecs crie à l'absurdité. Mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Car cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17 et les suivants dans la Bible du Semeur. Pour les gens, quand ils regardent et qu'on veut leur présenter un sauveur, leur présenter un sauveur crucifié, c'est une folie ou un scandale. C'est une absurdité. Le fait que Jésus est mort comme un condamné, comme un criminel, mais a été pour des millions et des milliards d'êtres humains un scandale, c'est-à-dire une pierre d'achoppement. Ils n'ont pas cru au salut de Dieu à cause de la forme que le salut est venu. Pour les Juifs, un Messie crucifié, c'est un scandale, c'est une abomination. Voyons donc, voyons donc. Et j'ai entendu ça dans mon évangélisation à travers mes 30 ans de vie chrétienne. Voyons donc si le fait qu'un homme meure sur une croix comme un malfaiteur peut sauver le monde. Voyons donc. Une folie, une absurdité. La mort d'un criminel, comme un criminel du moins, et beaucoup de gens se demandent si ce n'était pas un vrai criminel. Un vrai criminel, pour subir une telle mort. Et je crois que ce n'est pas pour rien que Luc va écrire ça à Théophile. Il faut qu'il clarifie pourquoi Jésus est mort comme un criminel. Pourquoi ce juif crucifié sur une croix avec d'autres bandits. Comment c'est arrivé que cet homme-là, de bien, il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, s'il avait été si bon que ça, ton Jésus, je ne pense pas qu'il aurait été crucifié comme un criminel. Parce que l'être humain croit jusqu'à un certain point que, en règle générale, la justice ne va pas condamner les criminels. Règle générale. Elle peut se tromper, mais règle générale, ceux qui sont en prison, on présume que c'est des bandits. On ne présume pas que c'est tous des gens, les meilleures personnes de la société sont en prison. Non, humainement parlant, on pense que ceux qui sont en prison, c'est des criminels. Hein? Vous pensez ça? Et dans ce temps-là, c'est pareil. La société croyait que les gens condamnés, règle générale, c'était vraiment des criminels. Il n'y a personne qui s'objecte aux deux autres qui ont été crucifiés. Parce qu'ils étaient aussi des criminels. Donc, je crois que Luc va définir ou démontrer à Théophile comment est-ce que ce Jésus qu'on parle pendant 21 chapitres, un homme de bien, un homme qui fait le bien, un homme qui guérit les malades, qui nourrit les foules, qui prêche de s'aimer les uns les autres, de se pardonner, de tendre la joue. Comment se fait ça que la société l'a crucifié comme un vulgaire criminel? La société, ça, c'est vous et moi, c'est le monde. C'est le monde. Le monde ne peut pas admettre que c'était la sagesse de Dieu. Le monde ne peut pas admettre que la mort de Jésus-Christ est la manifestation de la puissance de Dieu, parce qu'en admettant ça, elle se condamne elle-même, parce que c'est elle qui l'a mis à la croix. Papa? Elle ne peut pas faire ça. Donc, elle rejette plutôt en disant, c'est une folie, c'est une absurdité, c'est une niaiserie. Mais pour nous, qui sommes maintenant des croyants, c'est la manifestation, c'est la plus grande manifestation de la puissance de Dieu. Plus grande que la création du monde. Plus grande que les nouveaux cieux, nouvelles terres. La puissance que ça a pris pour Dieu, si on pouvait mesurer ça en puissance atomique, ça a pris plus de puissance pour faire la croix que pour faire la création du monde. Parce que c'est là que Dieu a vaincu tout le mal, tout le péché, toute la mort, toutes les puissances des ténèbres. C'est là que Dieu a vaincu cela par sa force. C'est là qu'il a mis en boîte. Tu sais, nous, on lit l'Apocalypse, qu'on voit l'ange qui se prenne avec une chaîne, puis qui attrape Satan, puis qui l'enchaîne, puis qui le met dans le trou pour 1000 ans. On dit, c'est de la puissance. Il a attrapé l'archange Lucifer, hein, et il l'a mis en prison. Mais ça, c'était pas ça, là. La plus grande puissance, c'est quand Dieu a vaincu la mort, la méchanceté humaine à la croix. Donc, c'est ce que nous allons voir ensemble. Jésus fut livré à la mort. Et on va voir dans les premiers versets par qui. Qui est-ce qui a livré cet homme de bien à la mort? Qui est-ce qui a fait ça? Qui est-ce qui a fait ça? La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Donc, on se souvient que la fête de Pâques, c'était quel jour? Oui, mais c'était quel jour de la semaine? Un vendredi. Pâques, c'est pas le dimanche. C'est le vendredi. OK? C'est le vendredi. Jésus est mort un vendredi à 3 heures. Et non pas un dimanche matin. Il est mort. La Pâque, c'était là. On célébrait la Pâque. Jésus on va voir en s'en allant, Jésus a célébré une dernière fois la Pâque avec ses disciples. La Pâque approchait. Donc, certains évangiles vont dire 6 jours avant la Pâque, d'autres vont dire 2 jours avant la Pâque, donc il y a différentes, mais c'est juste quelques jours avant la Pâque, il s'est passé des choses avec ce qu'on va voir, qui a préparé la mort d'un homme de bien, d'un homme qui n'a jamais fait de mal à qui que ce soit, que je me prisonne à qui que ce soit, que je me dis une parole blessante à qui que ce soit, ou une parole de haine ou de colère à qui que ce soit. Un homme qui aurait mérité tous les applaudissements de la terre, on va le crucifier de la mort la plus cruelle que l'homme a jamais inventée. Vous savez, c'est ça? Aujourd'hui, quand on met du monde à mort dans certains pays, on essaie de faire ça avec le moins de douleur possible. Aujourd'hui, on fait une petite piqûre. Tic, bouf, là, ça endort. C'est moins cruel que la chaise électrique. C'est moins cruel que de pendre au bout d'une corde et se la gigoter pendant une quelques minutes. On essaie de rendre la mort la plus douce possible. Mais la croix, c'était faite par les Romains pour que l'homme qui est sur la croix souffre au maximum. Au maximum. Et j'ai lu un livre un moment donné écrit par des non-croyants sur le supplice de la croix. Puis les autres disaient aussi la même chose. C'était le sacrifice ou la façon de mourir la plus cruelle pour l'être humain qui a jamais été inventée par l'homme. C'est pas pour rien que Jésus a décidé qu'il venait à ce moment-là dans l'histoire. Il savait que ça se. Il savait. Il aurait pu arriver dans un moment de l'histoire où c'était la guillotine, qui prenait quelques secondes, zouk, c'est fini. Il aurait pu arriver dans un monde où on donnait une petite piqûre. Vous avez vu comme moi, qui refuse de prendre le breuvage qu'on voulait lui donner pour qu'il souffre moins. Vous savez que les Romains ne donnaient pas ça pour qu'il souffre moins. Vous savez pourquoi les Romains donnaient ça? Pour que ça dure plus longtemps. J'ai juste dit que ça dure plus longtemps. Ils voulaient que la personne reste. Parce que Jésus est mort, il a été mis en croix à 9 heures, ce qu'on peut comprendre. Il serait mort à 3 heures. C'est-à-dire qu'il a été sur la croix combien de temps? 6 heures. Normalement, ça prenait 3 à 4 jours avant qu'il meure. C'est pour ça qu'à 3 heures, on a dit quoi? On va leur briser les jambes pour qu'ils meurent plus vite. Parce que le fait de casser les jambes, ils mourraient plus vite. Parce que normalement, vous vous souvenez que Pilate a dit, « Es-tu déjà mort? Es-tu déjà mort? Hey, voyons, non, ça se peut pas, c'est juste 6 heures qu'il est là. » Parce qu'on ne mourrait pas si vite que ça. La mort à la croix est une mort par asphyxie. Tu ne meurs pas à bout de ton sang. Tu mourrais par asphyxie. Parce que quand tu es pendu par les bras, tu écrases les poumons. Les poumons ne sont plus capables de respirer avec le temps. C'est pour ça qu'ils mettaient un clou au pied, ils se relevaient, ils se sont penchés, puis ils étouffaient, ils se relevaient, puis ils jouaient de même pendant 3-4 jours. Jusqu'à temps qu'ils n'avaient plus la force physique de se soutenir, puis ils se laissaient pendre par les bras, puis ils étouffaient. C'est pour ça qu'ils ont trouvé ça surpris que Jésus crie. Parce que quand tu étais crucifié, tu n'étais pas capable de crier absolument. Tu étais suffoqué. C'est pas même si tu prends quelqu'un à la gorge, tu l'étouffes, il ne criera pas, il n'est pas capable, il n'y a pas d'air. Donc c'était une mort vraiment cruelle de la part de ce que Jésus a vécu. Donc, on va le voir en s'en allant, on va en avoir quelques détails en s'en allant de cela pendant qu'on va étudier sa mort. Donc on est juste quelques jours avant la fête des pains sans levain. Ça veut dire que ça durait 7 jours, cette période-là, où on fêtait la paix. Tout Israël, tout le peuple de Dieu, mangeait du pain sans levain. Il n'y a plus de pain avec levain qui se vendait nulle part en Israël. C'était pour symboliser que quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont mangé du pain sans levain. Ils n'ont pas amené du levain qui venait de l'Égypte. Verset 2. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Qui est-ce qui a livré Jésus à la mort? Première vérité qu'on va voir, c'est Jésus fut livré à la mort par des hommes diaboliques. Par des hommes diaboliques. Quand on lit la vie de Jésus, on ne peut pas faire autrement de voir que Satan est là dans cette vie-là, alentour de lui. Moi, j'ai l'impression, je ne peux pas vous mettre ça comme une vérité biblique, ce n'est pas marqué dans la Bible. J'ai l'impression que Satan a suivi Jésus à la trace pendant toute sa vie sur la terre. Parce que je crois qu'il savait que c'était le personnage à faire tomber. Il savait qu'il y avait quelque chose avec cet homme-là de façon spéciale. Donc Satan, tout au long de la vie de Jésus, nous on a quelques références sur ce que Jésus l'a tenté. Je crois qu'il y a eu toutes sortes de tentations qu'il y a eu dans sa vie. Quand on le voit que dans le désert, où est-ce que Satan le tente, il vient le tenter, il dit ici on a deux, en attendant une occasion favorable, une autre occasion de le tenter. Donc, il l'a tenté. Il va revenir, on va voir, il revient aujourd'hui dans notre histoire, parce qu'on l'avait vu au début, dans Luc, quand il l'a tenté au désert, là, il revient dans le pas. Puis on le voit qu'il va travailler dans les gens qui côtoient Jésus, les gens qui sont autour de lui. Il va travailler dans la vie de ces gens-là pour arriver à Jésus. Même une fois, il n'y a pas ni quoi, il n'y a pas ni qui? Pierre. Jésus a dit à quoi? Arrière de moi. À qui qu'il disait ça? À Pierre. Donc, il était là en Pierre pour faire tomber Jésus. Donc, il a travaillé tout le temps autour de lui pour essayer de le faire tomber afin qu'il ne fasse pas ce qu'il devait faire. Je ne suis pas sûr qu'il comprenait tout ce qu'il devait faire, que tout ce que Jésus devait faire, tout ce que Jésus était pour faire, parce qu'il n'est pas omniscient, Satan. Mais je crois qu'il était là comme l'idée de tout ce que Satan a comme idée avec l'être humain, c'est de les faire tomber. C'est de faire tomber dans le péché. Comme il a voulu faire tomber Adam et Ève, il a fait tomber les anges, il a fait tomber toutes sortes de monde autour de lui. C'est sa nature de faire tomber les gens dans le péché. Donc Satan, ici, on le voit d'une façon très explicite avec Judas. Mais je ne crois pas que Judas est le seul qui a été l'instrument du diable pour arriver à la mort de Jésus. Il y a d'autres personnages alentour qui ont été les victimes des tentations, des abus, des mensonges de Satan. C'est pour ça que j'ai marqué par des hommes diaboliques. On a pu marquer juste ça, Judas, mais c'est parce que je crois que c'est tout le monde qui est alentour qui ont été tentés par le diable pour arriver à mettre Jésus dans cette position-là de tentation. Parce que l'ultime but, c'est que Jésus tombe aussi. On va le voir quand on va arriver au jardin de Gethsémané, où est-ce qu'il va suivre du sang. Il est dans une tentation épouvantable. Il est dans une tentation épouvantable encore une fois. Donc Satan est derrière tout ça. Satan est derrière. On voit Satan dès l'entrée du monde de l'être humain dans le paradis. Dans la création. Moi, c'était une de mes objections en tant qu'athée. Tous les gens que je rencontrais qui parlaient de religion, qui croyaient d'une certaine façon à la Bible, je leur posais la question tout le temps. Pourquoi est-ce que Dieu a permis à Satan d'entrer dans le paradis? Ça, c'était ma question en tant qu'athée. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas détruit Satan avant qu'il fasse planter la race humaine? C'était ma question. Je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu a laissé faire cet intrus? Et je blâmais Dieu. Moi, j'ai blâmé Dieu une partie de ma vie pour ces cochonneries-là. Je disais, si tu as tous les pouvoirs du monde, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas empêché d'entrer là et tenter Adam et Ève? Tu le laisses faire, il tente Adam et Ève, il plante, puis là, tu les punis. Moi, je ne comprenais plus rien. Mais dès que Satan rentre là, puis vous allez voir, Satan est dans l'histoire de l'humanité, quand on la regarde, il va être là jusqu'à la fin. Ça va être l'ennemi final que Dieu va vaincre. Il est là dans toute l'histoire de l'humanité. Toute l'histoire de l'humanité. On ne comprend pas tout. En tout cas, si vous comprenez tout, vous êtes bien heureux. On ne comprend pas toute la raison pourquoi Dieu fait ça. Pourquoi Dieu permet ça. Pourquoi Dieu va dire à Satan, « Vas-y avec Job. » On ne comprend pas tout pourquoi, on va voir la semaine prochaine et dans les semaines qui s'en viennent, pourquoi qu'elle dit « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment et j'ai prié pour vous. » Il ne l'a pas empêché. Dieu a permis à Satan de cribler les disciples. On ne comprend pas toute l'histoire. Mais on voit que c'est là. Ça fait partie de ce qu'on lit dans les Écritures. On essaie de comprendre le mieux qu'on peut. Mais c'est pas facile pour nous de saisir ça. C'est quoi le but fondamental de tout ça? Les premiers qu'on voit ici, que je crois qu'ils sont sous l'influence du diable, de Satan, c'est les sacrificateurs. Sacrificateurs, depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs années, une, deux, trois années, ils veulent faire mourir Jésus. Ils sont en train de... Ils cherchent un moyen, depuis quelques années, de l'attraper, de le prendre par sournoiserie, par des questions, par des attrape-migots, comme on dirait en québécois, par des moyens, par des hommes, par des femmes. Ils essaient de prendre Jésus au piège. Et ces hommes-là, ils ont essayé de toutes sortes de façons, mais ils n'ont pas réussi encore. Mais là, on voit que derrière, il y a quelqu'un d'autre, qui est Satan, qui est en train de monter sa toile pour arriver là. Et si vous liez, là, on lit dans Luc, mais si vous seriez dans Jean, vous verriez que dans Jean, il y a quelqu'un d'autre qui est derrière Satan puis qui est en train de faire sa toile aussi, c'est Dieu. Donc, Satan fait partie de la toile de Dieu. Puis il l'utilise. Dieu utilise Satan à ses pleins gré. À son plein gré. Si vous lisez l'Évangile de Jean, vous allez voir que c'est Jésus qui contrôle la situation. Ce n'est pas Satan. Vas-y, mon Judas, c'est le temps. Vas-y, fais ceci. C'est lui qui contrôle la situation. Dans Luc, ici, on voit que c'est plutôt les hommes qui contrôlent la situation. Si on a juste Luc, on a l'impression que Jésus était comme une victime de la méchanceté humaine. Dans l'Évangile de Jean, on voit que c'est les hommes qui sont, entre guillemets, victimes de l'amour de Dieu qui veut mourir à la croix, puis amène les hommes à l'amener à la croix puis le crucifier. Je suis venu pour ça. Et il contrôle tous les événements. Les sacrificateurs, qui étaient les hommes religieux, les hommes les chefs religieux du temps, ils sont, comme on a au verset 2, ils cherchaient, c'était une continuité dans leur vie, ils cherchaient un moyen de le faire mourir. Ils n'avaient pas réussi encore à cause de la peur qu'ils avaient de la foule. C'est la seule chose qui les retient. S'il n'y avait pas eu la foule, il fallait longtemps qu'ils auraient tué Jésus de façon quelconque. Mais la foule, le désir de ne pas être rejeté par la foule les retenait. Les empêchait d'accomplir leur méchanceté, de vouloir faire mourir la foule. Ça, c'était les premiers. Qui a fait mourir Jésus? Luc dit à Théophile, les sacrificateurs et les scribes étaient derrière cela. Depuis longtemps, ils cherchaient un moyen de le faire mourir, puis ils n'y arrivaient pas à cause de la foule. Il avait peur. Au verset 3, là, on voit notre Judas. Judas, surnommé Iscariote, parce que parmi les disciples, il y avait un autre Judas. Là, c'est Judas Iscariote. Si vous avez un jour un temps de lire la vie de Judas dans les Évangiles, puis de faire une recherche, de monter une espèce si on vous dirait, trouve tout ce que tu peux trouver dans la Bible au sujet de Judas. C'est intéressant. J'ai un ami qui a fait sa thèse de doctorat là-dessus, sur Judas. Judas avait-il le choix? Oui ou non? Ça, c'est le titre de sa thèse, son doctorat. Judas avait-il le choix? Et c'est vraiment intéressant ce qu'il a écrit, un livre, plusieurs pages, plusieurs centaines de pages sur ça. Judas, un phénomène. Et là, on pourrait se poser la question, Jésus sachant toutes choses, pourquoi a-t-il choisi Judas parmi les 12? Il l'a amené là. C'est ça qu'on vous dit que Jésus n'était pas une victime. Jésus contrôlait les choses. Il l'a choisi, sachant qu'est-ce qu'il viendrait faire là. Qu'est-ce qu'il devrait faire. Et lui, ici, c'est pas dit des autres, mais ici, ça va comme un petit peu plus loin. Il dit, Satan entra dans Judas. Pas évident de comprendre ce que ça veut dire au juste. Judas, es-tu devenu un démoniaque? Es-tu devenu un homme qui bavait? Je pense pas. Ça a-t-il paru? Je pense pas. Les disciples n'ont pas vu, en tout cas les autres 11 n'ont pas vu que Judas était devenu tout d'un coup possédé. Hein? Satan entre dans Judas, puis là il est à la table, puis Jésus dit un d'entre vous va me livrer. Puis les apôtres regardent, puis c'est qui va livrer? Ils ne semblent pas voir que Judas est tout d'un coup possédé, entre guillemets. Parce que ça ne me pas voir ça. Et la question que je me suis posée cette semaine, c'est-tu Judas qui a ouvert la porte pour qu'il rentre? Satan a-t-il le pouvoir d'entrer dans qui il veut? Grande question. Pas facile à répondre. S'il avait le pouvoir d'entrer dans qui il veut, il rentrait dans tout le monde. Un après l'autre, il rentrait dans tous les gens. A-t-il reçu la permission de la part de Dieu? Vraiment, question pas facile à comprendre. Mais on sait une chose de Judas. Judas, il avait, lui, décidé d'aller suivre Jésus avec ses idées très personnelles, humaines. Il voulait suivre Jésus parce qu'il croyait que Jésus était l'homme qui délivrait Israël de ses ennemis, qui étaient les Romains. Il était un zélote. Étant un zélote, il était parmi ceux qui avaient un groupe d'hommes et de femmes, un groupe de personnes qui s'étaient soulevées, on les appelait les zélés, les zélotes, soulevés contre l'Empire romain par des attaques de fantassins cachés, des gens qui tuaient des Romains derrière les coins sombres, je pourrais dire, pour ne pas être pris. Et c'est eux autres, les zélotes, qui ont été, à ce que j'ai lu, responsables de l'attaque de Titus à Jérusalem, qui a détruit Israël, il a mis le temple sec à terre, tout a été détruit, les Juifs ont été dispersés dans le monde entier. C'était la raison fondamentale qu'on lit, c'est les zélotes. Les Romains étaient tannés de se faire tuer des soldats par des gens en cachette. Ils étaient prêts à affronter une armée, mais des gens comme ça ne pouvaient pas y arriver. C'est un peu les. Comment est-ce qu'on s'appelle aujourd'hui, là, ceux qui s'en vont avec des bâtons de dynamite, là? Les. Hein? Oui, mais comment est-ce qu'on s'appelle? C'est. Les kamikazes. C'était un peu les kamikazes du temps. Ils rentraient quelque part, puis ils ne faisaient pas sortir une bombe parce qu'il n'y en avait pas, mais ils tuaient des Romains à cachette. Puis ils s'en allaient, ils sauvaient. Puis les Romains ont été tannés, ils ont mis fin à l'existence du peuple d'Israël en tant que peuple. Ils ont dispersé sur la face de la terre, puis c'était fini, jusqu'en 1948. Satan entra en Judas. On ne sait pas tout comment expliquer ça, mais on en voit les effets. Est-ce qu'il est rentré physiquement, puis il est resté là pendant tout le temps, il a fait de Judas sa maison pendant une secousse? On n'a pas toutes les explications. Tu sais, on dit que Jésus est entré dans notre cœur, puis on dit que Jésus vit dans notre cœur. Est-ce que c'est la même chose quand on parle de Satan? Pas facile à expliquer. Mais on voit les effets. Je crois que, oui, dans un certain sens, mais c'est une des rares places ici où est-ce que c'est dit avec ces mots-là, et entrer dedans. Ailleurs, c'est tenté par, c'est pas entrer dedans. Donc, ça semble être un petit peu une différence, en tout cas. Mais on sait une chose, c'est que cet homme-là, que si, comme Théophile ou n'importe qui d'autre, nous lisons les évangiles, on finit par avoir une image. Vous remarquez des bandes dessinées pour enfants, comment est-ce qu'ils dessinent Judas? C'est toujours un homme avec un air vicieux, un grand nez crochu, puis il n'est pas beau. Puis on le dessine comme quelqu'un mauvais, mais c'était peut-être le plus beau des doux, tu sais, physiquement. On ne sait pas, nous autres. Là, mais on dessine plutôt comme quelqu'un de vraiment mauvais. Il me semble, si j'aurais vu Judas à côté de moi, je n'aurais pas trusté. Selon les dessins qu'on fait, là, des bandes dessinées pour enfants, là. Mais je ne pense pas que ça paraissait tant que ça, qu'il était méchant. Oui, c'est le même mot que entrer, tous les mots entrer dans le temple, entrer dans une maison, c'est le même mot. C'est entrer dans quelque chose. Tu es à l'extérieur et tu rentres dedans. C'est ce mot-là qui est là, mais ça ne nous donne pas d'explication parce que comment un être non matériel peut entrer à quelque part. Pas facile pour nous autres d'expliquer ce domaine-là. Mais on voit le fait que Luc prend le temps de dire à Théophile, Satan était dans la game. Satan faisait partie du complot qui était organisé pour que Jésus soit traité comme un coupable, un malfaiteur. C'est ça que Luc veut faire ressortir. Pourquoi est-ce que cet homme de bien-là a-t-il été traité comme un malfaiteur? Mais Satan était dans la gamique, là. Satan était dans la gamique. Et aussitôt que Satan était entré en lui, peu importe comment on le définit, ce qu'on voit comme résultat, Judas alla et s'entendre avec les principaux sacrificateurs, les chefs des gardes, sur la manière de leur livrer. Judas, là, tout d'un coup, va exprimer. Il l'a exprimé quand Dieu a voulu, je crois, dans le fin fond de l'histoire, parce que Dieu savait de tout temps que Jésus devait mourir le jour de Pâques. Donc, Judas l'a fait juste dans le bon moment pour que ça arrive cette journée-là. Mais Judas, lui, ne savait pas qu'il mourrait à 3 heures le jour de Pâques. Là. Il n'a pas dit, je veux que vous le tuiez à 3 heures le jour de Pâques. Il ne savait pas ça. Mais il a décidé finalement, à ce moment-là, quand Satan est entré en lui, il a pris la décision, je le livre, c'est fini. C'est fini. Parce que Jésus avait dit dans le chapitre avant, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je m'en vais souffrir, je vais mourir, mourir. Et Judas n'était pas capable d'accepter ça, parce que pour lui, Jésus devait vivre pour libérer Israël. Et là, finalement, il est venu à la pointe d'un non-retour, puis il dit, c'est assez, je le livre. Si ce n'était pas marqué, Satan entra dans Judas, on verrait ce péché-là comme n'importe quel autre péché que la race humaine a fait. N'importe quel autre péché. C'est parce que la Bible nous dit ici, là. Parce qu'on ne verrait pas ça, on dirait juste, Judas a agi par convoitise, on ferait juste ça comme un autre péché. Mais ici, je crois que Dieu, qui est l'auteur de l'épître de l'Évangile de Luc, veut qu'on sache qu'il y avait Satan derrière ça. Que Satan était là. Et c'est marqué au verset 5, « Ils furent dans la joie. » Ils en step un coup. Ils sont contents, enfin, on va pouvoir le prendre sans se faire attraper par le peuple. Donc, on va trouver une solution. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour lui livrer Jésus à l'insu de la foule. Parce que même Judas a peur de la foule. Lui-ci veut livrer Jésus à l'insu de la foule. Les sacrificateurs attendaient un moment favorable pour que la foule le sache. Judas cherche un moment favorable pour que la foule le cherche. Donc, tout le monde... Ce que c'est que Luc est en train de dire à Théophile, ça s'est fait en secret. Ça s'est fait à l'insu de la foule, à l'insu du peuple d'Israël. Et quand on lit l'histoire, ça va tout se faire pendant la nuit. Jésus va être saisi vers 2-3 heures du matin, et à 9 heures, il est déjà en croix. Ils n'ont pas consulté la foule, là. À 9 heures, à 2 heures, il est arrêté, à 9 heures, il est en croix. Puis de là, pendant ce temps-là, là, il a fait du chemin. Là. Hein? Arrêté, Hérode, Pilate, la croix. Ça s'est fait, là, ça a passé. Là. Zing, zing, zing, zing, la croix, à 9 heures. Ça s'est fait tout dans la même nuit, ça, cette histoire-là. Là. Donc, qui est-ce qui a mis Jésus à la croix? Qui est-ce qui a condamné Jésus à mourir sur une croix comme un malfaiteur? Des hommes dirigés, conduit, stimulé par Satan. C'est ça qu'il veut qu'on sache aussi. Il dit, quand c'est ce genre d'homme-là qui va être derrière le fait qu'il va mourir, hein, c'est pas surprenant qu'on lui fasse subir une mort qu'il ne méritait pas. OK? On s'attend que nos juges dans notre société sont des gens respectables. On sait qu'un homme est un méchant, un pervers, un menteur, un voleur, un abuseur, on ne va pas le mettre comme juge. On ne va pas mettre comme juge. On serait idiot de faire ça, là. Absolument, quand on sait qu'ils ne sont pas trop droits, qu'ils ont eu des pots de vin, qu'est-ce qu'on fait? On les enlève tout de suite de là. Mais ici, il est en train de dire, une belle gang qui ont mis Jésus à mort. Une belle gang. Ça, c'est le côté humain de l'histoire. Voici qui a mis Jésus à la croix. Les chefs sacrificateurs, les scribes, les chefs des gardes, Judas, dans qui Satan a rentré. Ça, c'est le côté humain qui a fait ça. Maintenant, on va voir les autres côtés. Il y a une autre chose que Luc va dire à Théophile. Il veut lui montrer, il va vouloir montrer que Jésus n'est pas une victime. Jésus n'est pas une victime. Verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, « Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent, ils trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce que ce soit accompli dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe, et rendit grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Et ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il la rompit, et le leur donna en disant, c'est ici mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper. Il leur ordonna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » OK, on va arrêter là pour le moment. Ici, quand on regarde la mort de Jésus, c'est... Oui, il y a des hommes diaboliques qui vont le livrer à la mort, mais dans les versets ici, il y a autre chose, c'est Jésus lui-même qui décide qu'il veut mourir. C'est Jésus lui-même qui se livre à la mort. Volontairement, de son plein gré, il décide qu'il veut mourir. Et quand il va instituer cette nouvelle Pâque, c'est sa propre décision à lui. C'est pas quelque chose qu'il va subir, c'est quelque chose qu'il désire. C'est pour ça que le mot dit « j'ai désiré vivement arriver à cette Pâque-là. » Parce qu'il savait que c'était la dernière fois. Puis il savait que lui était pour changer à ce moment-là le sens de la Pâque. Il était pour donner une direction à la Pâque. Parce que dans les premiers versets jusqu'au verset 18, Jésus va juste célébrer la Pâque, comme il l'avait fait depuis 33 ans. Il célébrait la Pâque à tous les années, comme c'était la coutume chez les Juifs. Donc on dit quoi? Aller préparer la Pâque. Il n'avait pas dit comment. Pourquoi? Tout le monde savait comment faire. C'était leur coutume, eux autres. Fait qu'il leur dit juste où? Aller là-bas, suivez le gars, un homme avec une cruche, il ne va pas en avoir des centaines, c'était pas la coutume normale. Qui portait les cruches dans ce temps-là? C'était les femmes, les servantes, ou les femmes, ou les jeunes filles de la maison, qui allaient au plus chercher de l'eau. Il l'emmenait. Là, c'est un homme. Apparemment, il était plus facile à spotter à travers la gang. Il dit, suivez-le, et il va rentrer dans la même maison que lui, et dites au maître que le maître, il faut croire qu'il connaissait, on présume. En tout cas, si c'était un peu l'étranger, il était bien gentil. Hein? Il aurait été bien gentil, mais je pense qu'il connaissait. Quand ils ont dit le maître, il devait savoir de qui il parlait. Et donc, il a dit, c'est là, c'est dans cette pièce-là. Quand j'étais là, en disant, j'ai visité supposément cette pièce-là, c'est-tu vraiment la bonne pièce que j'ai visée, je ne suis pas sûr, mais il nous emmène là, à la pièce que Jésus a mangé le dernier repas du Seigneur, qui nous disent que c'est ça. Bon, une pièce bien ben ordinaire qui est là, et il serait pris le dernier repas du Seigneur, là, le dernier Pâque, là. Donc, il célèbre, et quand vous voyez au verset, quand Jésus prend, parce que ici, vous voyez que Jésus prend deux fois la coupe, hein, là, on a de la misère parce que dans les autres évangiles, il prend juste une fois la coupe. Ici, la première coupe, c'est il célèbre la Pâque, la dernière Pâque. Il fait la dernière Pâque. Parce que la dernière Pâque, il célébrait avec une coupe. Fait qu'il a pris la dernière coupe et il a célébré la Pâque de façon conventionnelle, comme tous les Juifs faisaient. Et ensuite de ça, à la fin du repas, c'est ce que je pense personnellement, là, il a inauguré la nouvelle Pâque. Nouvelle Pâque. Il dit maintenant, il dit, ce pain-là représente mon corps qui va être donné pour vous, et cette coupe-là va représenter mon sang maintenant. Ça ne représente plus le sang qui a été mis sur le linteau des portes, le sang d'un agneau, mais c'est mon sang que ça représente. Ici, Jésus ne me donne pas l'impression que quelqu'un qui subit la mort, mais quelqu'un qui est venu pour mourir, et que lui veut mourir pour sauver l'humanité. Puis on le voit dans l'Évangile qu'il voit venir la fête de Pâques, puis il part de la Galilée, puis il descend vers Jérusalem, puis tout en descendant, il dit à ses disciples, « Je vais mourir dans quelques jours, je vais mourir dans quelques jours. » Mais il s'en va quand même jusqu'à Jérusalem, parce qu'il sait, que ça va se produire là. Il ne nous a pas présenté quelqu'un qui est une victime. Dans un certain sens, on le voit comme une victime de la méchanceté humaine. Mais dans un sens, on voit que lui utilise cette méchanceté-là pour faire le bien. Une action n'est jamais mauvaise en soi. C'est la raison pour laquelle on l'a fait qui est mauvaise. Hein? Une action n'est jamais mauvaise en soi. C'est la raison. Jésus changeait en bien le mal que les hommes ont fait. Hein? Les hommes ont tué Jésus en faisant le mal. Jésus prend le mal et sauve l'humanité avec. Il utilise la méchanceté des hommes, il subit la mort de la part de cette méchanceté-là des hommes. Et lui, il tourne ça en bien, puis il sauve le monde avec ça. Parce que si ça avait été tous des hommes de bien, il n'aurait pas tué Jésus. Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir non plus. Mais il a utilisé ces gens de mal-là, comme il utilise Satan. C'est ça que je me dis des fois, X n'est pas facile à saisir, quand on voit Dieu jouer avec Satan, puis le mal, pour arriver au bien. C'est ça qu'il peut dire dans Romains 8, tout concourt à votre bien. Je vais utiliser le mal et le bien, puis je vais vous faire du bien avec ça. Il y a cette capacité-là. Nous, on n'a pas cette capacité-là. Lui, il a cette capacité-là. Et ici, on le voit entouré de mal, de Satan, de Judas, du peuple d'Israël, tout à l'heure qu'on va voir crier, crucifie-le, crucifie-le. Il prend toute cette méchanceté humaine-là, puis pendant que tout ce monde-là bouge autour de lui, lui est en train de sauver le monde avec ça. Quand on dit, une fois, on voit que les femmes se frappent, là, puis ils frappent dans la poitrine, puis ils pleurent. Je dis, tu pleures pas sur moi. Pleurez sur vous. Il n'y a pas de la peine pour moi. Moi, je suis en train de sauver le monde ici. Donc, c'est vraiment un bel exemple ici donc, qu'on a que même si l'être humain, dans toute sa méchanceté autour de nous autres, hein, et la méchanceté que même nous on fait, Dieu, dans sa souveraineté, est en train d'utiliser tout ça pour amener la fin du monde. Il va accomplir ses plans. C'est pour ça que même, vous allez voir que dans cette semaine, des rois très vicieux et méchants, Dieu les utilise pour délivrer son peuple, Dieu les utilise pour faire ceci, Dieu les utilise pour faire ça, qui fait du bien finalement, qui amène la gloire de Dieu finalement. Donc, ici, on voit que Jésus n'a pas juste été livré à la mort par des gens diaboliques, mais il s'est livré lui-même à la mort. Parce qu'il dit, mon corps va mourir, là. Mon sang, je l'offre. J'offre mon corps, j'offre mon sang pour votre salut. Donc, c'est lui qui veut cette mort-là. Puis, on va en faire un autre en terminant, si vous voulez bien, verset 21. Il y en a un autre en arrière de tout ça. Jésus fut livré à la mort par des gens diaboliques. Jésus s'est livré lui-même à la mort. Et là, on va voir au verset 21-22, Jésus a été livré à la mort par son Père. Verset 21 et 22. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui était déterminé. Tu veux dire quoi? Tu avais d'autres traductions? Décidé. D'autres traductions? En anglais? Non, c'est la même chose à peu près. Il y a différentes façons de le voir, mais le mot Toutes les traductions que j'ai accordées en français arrivent toutes à dire quelque chose qui était organisé d'avance. Qui avait organisé ça? Dieu. Qui avait déterminé ça? Dieu. Donc, il dit, les hommes font de la méchanceté, mais Jésus veut mourir, il est venu pour mourir, il s'est livré lui-même à la mort, et vous remarquerez dans tout le Nouveau Testament, c'est l'expression que les apôtres aiment le plus, s'étant livré lui-même à la mort. Dans toutes les épîtres, vous allez voir que Jésus, ils ne disent pas, Jésus fut tué, non, mais il s'est livré lui-même à la mort. Ici, on voit au verset 21-22, oui, oui, Satan est derrière ça, Judas, le sacrificateur, tout ça, mais ils ont accompli seulement ce qui avait été déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. C'est drôle, hein? Moi, j'ai bien de la misère avec ces versets-là. Parce qu'on voit la totale souveraineté de Dieu, mais on voit l'homme responsable de sa folie. Tu es en train de faire ce que je veux, mais tu vas mourir pour ça. Là, on vient tout de travers. Aussi, on ne comprend plus rien. L'homme fait de la méchanceté, puis Dieu dit, malheur à toi parce que tu as fait ça. Mais tu es en train d'accomplir ce qui était déterminé. Voyons. Puis Pierre va dire la même chose dans Acte 3. Je sais que vous avez agi par ignorance en tuant le Fils de Dieu, mais vous avez accompli ainsi le plan de Dieu. Mais il dit, repentez-vous, vous allez mourir. Il dit, vous avez fait le plan de Dieu, mais il dit, repentez-vous, vous allez mourir. Parce que lui, Dieu, a fait ça pour le bien, il a déterminé ça pour sauver, mais vous, vous l'avez fait pour détruire, il a fait le mal. Et je me souviens toujours dans l'Ancien Testament, un passage qui m'avait tellement frappé les premières fois, je disais, c'est que Dieu prend un roi, tu penses que c'était un roi babylonien ou assyrien, il l'envoie attaquer Israël, puis Israël donne une bonne volée aux Assyriens, donne une bonne volée à Israël, c'est la guerre, puis ils se font vraiment massacrer. Le roi revient chez eux, et Dieu lui parle, puis il dit, « Ben, je t'avais envoyé punir Israël, maintenant je vais punir à ton tour. » Parce qu'il dit, je t'avais envoyé là pour donner une leçon, parce que j'aime mon peuple. Toi, tu es allé par avidité, par méchanceté, tu vas te punir à ton tour. Là, tu te dis, voyons, non, c'est lui qui l'avait envoyé là. Voyez-vous la différence? C'est que c'est pas l'action. Dieu envoie quelqu'un faire la guerre, et c'est bien. Parce que son intention, c'est bien. Son intention, c'est de faire du bien avec ça. Et le roi, lui, en faisant la guerre, son but, c'est juste de voler, de mendier, de violer, de faire la guerre. Il dit, mais tu l'as pas fait avec la même intention que moi. Donc, je vais te punir à ton tour pour faire ça. C'est pour ça qu'il dit ici, Judas, les sacrificateurs, les scribes, les soldats, Satan, malheur à eux pour l'éternité. Mais ils ont fait ce qui avait été déterminé d'avance. Hein? Mais malheur à eux autres parce qu'ils l'ont fait. Hein? Là, ça nous donne toutes ces deux choses qu'on voit dans la Bible. Dieu est complètement souverain. Mais l'homme est libre de ses actions, puis il va payer ou va bénéficier de ses actions qu'il fait. Judas a fait ce qui avait été déterminé. Mais Judas va être condamné pour l'éternité. Donc, pour nous autres, ce n'est pas facile à mettre ensemble, mais pour Dieu, il semble que ça fonctionne. Pour Dieu, ça fonctionne. Pour nous autres, c'est un petit peu plus dur à comprendre. Et c'est un proche qui le livre. Il verset 22, il dit qu'il est complètement responsable de son action. Complètement, parce qu'il dit malheur à lui parce qu'il a fait ça. Mais c'est vraiment. Les actions, ce que je voulais dire, c'est qu'on pourrait être deux personnes, un côté de l'autre, fait la même action. Pour un, ça va être bien, pour l'autre, ça va être mal. Parce que l'intention n'est pas la même. L'intention n'est pas la même. Je peux donner un gâteau à un pauvre, puis pécher en le donnant. L'autre côté peut donner un gâteau au pauvre, puis il faut faire du bien en le faisant. Mais c'est juste l'intention que j'ai. Qu'est-ce que j'ai là? Je veux montrer à tout le monde comment je suis gentil. Je fais un péché. Même en donnant un gâteau, je fais un péché. Il y a plein de monde, je garantis, qui font partie de toutes sortes de bénévolats dans le monde. Ils vont être condamnés pour le bénévolat qu'ils ont fait. Parce qu'ils l'ont fait avec de mauvaises intentions. Ils l'ont fait pour gagner le ciel, ils l'ont fait pour paraître, ils l'ont fait pour se sentir bien, ils l'ont fait pour se valoriser personnellement. Ils l'ont fait parce qu'ils se sentaient coupables s'ils ne faisaient pas. Il y avait toutes sortes de raisons qui n'étaient pas bonnes aux yeux de Dieu. Mais il y a des milliers de gens, comme David, qui est un homme de guerre. Toute sa vie a fait la guerre. Toute sa vie a tué des gens. Puis Dieu a dit, c'est un homme selon mon cœur. Bizarre, hein? Ne nous installons pas comme juges parce qu'on va se planter, c'est sûr et certain. Seulement Dieu est capable de juger toutes les pensées du cœur et il peut faire ça. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que ce que Luc dit à Théophile, oui, les hommes l'ont traité comme un malfaiteur, puis on va le voir en continuer la semaine prochaine avec Hérode et Pilate, mais il dit il y avait Satan derrière ça. Mais ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Jésus. Parce que Jésus voulait mourir, le Père voulait que Jésus meure pour sauver l'humanité. Donc, oui, il était mis au malfaiteur, parce qu'on va voir la semaine prochaine, il va dire, et parce que sans ça, il va accepter la mort de malfaiteur pour sauver les malfaiteurs. Il voulait qu'il accepte ça, pour pouvoir sauver les malfaiteurs. Donc, nous allons continuer la semaine prochaine à étudier cette mort qui a changé la face de l'humanité, qui a changé notre vie à nous personnellement. Notre Père du ciel, nous te remercions. Nous te remercions de nous montrer ici que même si Jésus a subi la mort d'un malfaiteur, hein, il n'était pas un malfaiteur. On voit que ses intentions étaient bonnes. Il aurait pu fuir Jérusalem. Il aurait pu aller se cacher. Il aurait pu utiliser la puissance. Lui-même le dit. Je peux commander à Dieu de m'envoyer 12 légions d'anges, puis je ne serai pas pris. Mais je veux mourir. Je veux offrir mon corps. Je veux offrir mon sang pour sauver les malfaiteurs que vous êtes. Et notre Dieu, notre Père, notre Créateur, ça nous dépasse beaucoup. Ça nous dépasse ce que tu avais déterminé de toute éternité. Tu avais déterminé la mort de ton Fils pour nous sauver. Ça nous renverse. Et on avoue humblement qu'on est dépassé, on ne comprend pas toute chose. C'est dur pour nous de comprendre que tu as utilisé des gens comme Judas, tu as utilisé Satan pour arriver finalement à sauver l'humanité. Mais béni sois-tu, et nous te glorifions. Nous te glorifions pour ça. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.